On vient pas de commencer, on a marché ensemble. La rime m'a percé, la rue dans son ensemble. Tant de fois m'a percé, le cœur laissé en sang. À force de rester vrai, confiance en ceux qui nous ressemblent. Bigo c'est bon, j'garde le veston. Haka c'est dit qu'en fallait, y'avait R que des dictons. Rien que ça blabla sur le réseau, wallou wallou. Fais les débats en silence et ouais c'est tout. Dans les bras tout ballant, ta parole est bancale grand. Rien des clés de système, les cailloux retrouvent leurs parents. Wesh la haisse elle m'attend comme les rageuses au balcon. Regardez tous jusqu'à percer, redeviendront des vaillants. Test, ils reviennent pour la pièce, ils croient devenir mes bestes. Je leur donnerai pas leur reste, tant de fois je lâche du lest. Mais la haine me redresse, comment pardonner le reste. Ils méritent pas que je me rabaisse. Andale, andale, gros, je sais pas ce qui va se passer. Je préfère avancer solo qu'avec des bras cassés. Andale, andale, andale, andale, gros, andale, andale, gros, je sais pas ce qui va se passer. Andale, andale, andale, andale. Bon, je préfère avancer solo qu'avec des bras cassés, gros. C'est plus le moment de bander, gros, la trappe est démarrée. Ça va rouler, rouler, frérot, le plan il est carré. Trop goûté à la haisse, gros, j'vais pas m'en contenter. Ça vient toucher la pièce et remiser les intérêts. Andale, andale, gros, j'sais pas ce qui va se passer. Je préfère avancer solo qu'avec des bras cassés. Pas à ta place, mais seront là pour gratte là-bas. Ils ont pas misé un scène, pourtant diront qu'ils croyaient ça. Ils sont trop ta salive, Vigo, je crois plus aux marchands de sable. Je vais pas te faire croquer, j'ai juste envie de te faire du sale. Je vais t'envoyer piqûre d'abeilles et flotter comme un papillon. Défoncer les barrières du game et rendre folle les cendrillons. De plus que nos story dosés, il possède 5000 pour Valmillon. De tous les traits, je m'en balaye et que je me frotte les mains comme un grillon. Tous paye, dans leur vie, je me balade. Diront de moi, je suis malade. Les vrais me disent badass. Prends l'oseille et ralasse. Continue à taffer la réussite sur le thé. Continue à fermer leur gueule et d'exister ailleurs que sur le réseau. On sera pas unanime et je vais pas être leur héros. Mon prénom c'est Amine et Follow Me devient l'un de mes héros.